Thank you. you say you saw? A girl in the field, salt and weary lung of a pioneer. You don't know why, taking it back, my dear. Thank you. Love. is exceeding, exploding this mess. All the load in the station will fall. Coughing is better, the machine is dying and crying alone in a hole. Cassette jam is killing the tape decks that hold memories for us all. Running and breaking the records they're making to win for complete control. Skylight is breaking and thunder is cracking. It's the end for sure. Corrupting and twisting, the system is bleeding and losing all thought control. Brothers and sisters, we're missing existing, the overall point of it all, yeah. Applaudis à la télé, ressaisis-toi, ressaisis-toi. saisis-toi, faut courir maintenant. Elle est dans un bunker, y a plus de programme, y a même plus d'heure à vous l'antenne. C'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, c'est le grand incendie. S'enfuir, se cacher dans une planque, s'enterrer. La marge est infime, au bord de l'abîme. Implosion, explosion, mort au comprime. Crapule, salaud, bourgeois, blaireau. Chien, reçoit sa détale dès qu'on a eu le déclic. I wanna do, do up a do. I wanna, go with you. Trop tard, petit, petit malin. Indemnité, c'est pinus, t'auras rien. Le coup. angoisse. Thank you.

giving everything to you. Leave me dry again.